Adieu, Prince. Je ne vous verrai jamais plus. Aglaé disparut derrière un bosquet d'arbres. Et je demeurai seul avec sa mère, Elisabeth Prokofievna. Elle semblait bouleversée. Je baissai les yeux sous son regard courroucé et suppliant à la fois. Je me sentais coupable, comme d'habitude. J'ignorais de quoi j'étais coupable et devant qui, mais je l'étais bel et bien. Et ne sachant de quelle manière expier mon crime imaginaire, je tournai les talons et voulais m'enfuir. Mais Elisabeth Prokofievna me saisit par le bras. Non, monsieur, non! Vous n'allez pas prendre la clé des champs. Je vous empêcherai de le faire. Je vous ai surpris avec ma fille sur ce banc, dissimulé par ces arbres, dans un parc désert. Vous allez venir chez moi pour m'expliquer les pourquoi et le comment de ce rendez-vous clandestin. Et me dire quelles sont vos intentions à l'égard d'Aglaé. Je vous dirai tout ce que vous voulez, Elisabeth Prokofievna. Cependant, je me permets de... Avance, prince. Ne m'oblige pas à appeler les sergents de ville. Et je suivis Elisabeth Prokofievna. Lorsque nous pénétrâmes dans le petit salon d'Ayepanchin, Elisabeth Prokofievna avait perdu beaucoup de sa combativité. Elle semblait même quelque peu gênée. Ne croyez pas, prince, que je vous ai amené ici pour vous faire subir un interrogatoire. Non, non. Peut-être n'avais-je même pas envie de vous voir après ce qui s'est passé hier soir. Néanmoins, vous voudriez savoir pourquoi Aglaé Ivanovna et moi nous nous sommes rencontrés ce matin. Eh bien oui, je le voudrais. Je n'ai pas peur de la vérité, si cruelle qu'elle soit. Et je pense que je n'offense personne en exigeant une explication. Calmez-vous, Elisabeth Prokofievna. Vous êtes mère et votre désir d'être renseignée est tout naturel. Eh bien voilà. Aglaé Ivanovna m'a remis un billet m'invitant à me rendre dans le parc. Elle avait à me parler d'une affaire importante. Nous nous sommes donc rencontrés près du banc vert où vous nous avez trouvés et nous avons parlé une heure de cette affaire qui ne regarde en somme qu'Aglaé Ivanovna. Eh bien, c'est tout. C'est tout, prince. Bon, je viens le croire. Cependant... Bravo, prince. Je vous remercie de tout cœur de ne pas m'avoir cru capable de m'abaisser jusqu'au mensonge. D'où sors-tu, Aglaé? Mais de nulle part, chère maman. J'étais ici, derrière le piano, lorsque vous avez pénétré dans le salon. J'ai entendu votre petite conversation avec le prince. Avez-vous l'intention de continuer longtemps encore votre interrogatoire? Ce qui ne m'est jamais arrivé de rougir devant toi, ma chère fille. Et cette fois encore, je ne rougis pas. C'était mon devoir de mère que de demander au prince. Et puis j'en ai assez. J'en ai assez d'être traité de la sorte par toi. Ton insolence dépasse les bornes. Je m'en vais. Excusez-moi de vous avoir dérangé, prince. Et croyez bien qu'il n'y a rien de changé dans mes sentiments envers vous. Si vous voulez vous retirer avant que je quitte le salon, vous pouvez le faire. Moi, me retirer avant que vous... Ah oui, oui. Effectivement, c'est bien cela que je dois faire. Et je le fais. Oh, j'ai bien l'honneur de vous saluer, Elisabeth Prokofievna. Au revoir, Aglaé. Je suis navré de vous avoir indisposé à mon égard, de m'être rendu odieux à vos yeux, peut-être. Je regagnais ma chambre, las et déprimé. Je m'installai dans un fauteuil et je fermais les yeux. J'avais mal à la tête. Mon cœur battait à petits coups saccadés, mes jambes étaient raides et pesantes. Je revoyais en pensée ma rencontre dans le parc avec Aglaé Ivanovna, l'arrivée inopinée de sa mère et la scène qui s'était déroulée dans le salon d'Ayepanchin. Et une tristesse glacée m'envahit. Puis je me souvins des lettres écrite à Aglaé par Nastassia Philipovna. J'hésitais un long moment avant d'en prendre connaissance. Enfin, faisant taire mes scrupules, je portai la main vers ma poche. C'est alors que le maître de séant, Lebedev lui-même, apparut. Non, ne vous levez pas, prince, restez assis. Ce n'est que moi, Lebedev. Je viens vous déranger pour une toute petite minute, honorable prince. Il s'agit d'une affaire très importante. Allons, bon. Vous aussi, vous voulez m'entretenir d'une affaire importante, Lebedev. Mais j'en ai assez des affaires importantes. Je n'ai pas dormi cette nuit, je suis là, je suis d'une humeur exécrable et à bout de patience. Je manquerai donc d'indulgence à votre endroit, forcément. Et cependant, quitte à encourir votre courroux, prince, je me vois dans l'obligation... Bon. Que vous arrive-t-il? J'avoue que matériellement, ce n'est pas grand-chose, mais moralement, c'est terrible. Voilà les faits. Les 400 roubles que j'avais mis dans la poche de ma jaquette ont mystérieusement disparu. Vous avez perdu 400 roubles? C'est regrettable. Ah, regrettable est le mot. Mais je n'ai pas perdu ces 400 roubles. On me les a pris, honorable prince. Ah, alors ce n'est pas seulement regrettable, c'est navrant. Comment cela est-il arrivé ? Oh, le plus simplement du monde. Hier, comme vous le savez, bien que vous n'y ayez point participé, j'ai organisé une réception en l'honneur de votre anniversaire. Au dernier moment, j'ai eu la malheureuse idée d'échanger mes vieux habits contre mon plus bel uniforme. Mais en enlevant ma jaquette, j'ai oublié d'enlever également mon portefeuille. Et ce n'est que ce matin, en me réveillant, que je me suis rappelé ce détail. Imaginez mon étonnement et mon indignation lorsque j'ai constaté la disparition de mon portefeuille. Bonjour, Prince. Bonjour, Colia. N'auriez-vous pas perdu votre portefeuille dehors, Monsieur Lebedev? Ah, Monsieur Lebedev a perdu son portefeuille. Ah, ça vous fait rire, Colia. Oh, vous êtes... Allons, ne faites pas attention à Colia, répondez plutôt à ma question, Monsieur Lebedev. Je vous obéis et je vous réponds, Prince. C'est impossible, puisque en enlevant ma jaquette, je suis sûr d'avoir vu mon portefeuille. Peut-être l'avez-vous caché quelque part dans un tiroir. Réfléchissez, Monsieur Lebedev. Eh oui, réfléchissez bien, Monsieur Lebedev. Peut-être ce portefeuille n'existe-t-il que dans votre imagination. Vous n'êtes qu'un sale petit garnement, Colia, qui se réjouit du malheur d'autrui. Hélas, non, honorable prince. J'ai fouillé tous les tiroirs. La disparition de votre portefeuille ne s'explique pas. Quelqu'un l'aurait-il dérobé, mais qui ? C'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre. Je ne puis soupçonner la servante, elle était à la cuisine. Ni mes propres enfants. 9 innocents orphelins. Alors mes soupçons se portent tout naturellement sur les invités. C'est impossible, monsieur Lebedev. Tout à fait impossible. Cependant, il faut bien l'admettre. Je suis le premier à le regretter, honorable prince. Qui est capable, selon vous, d'avoir volé votre argent ? Qui ? Après le départ des invités, nous sommes restés 4 dans la maison. Le boxeur Keller, le général Ivolgin, Ferdistchenko et moi. Par conséquent, c'est un de vous 4. C'est-à-dire un des 3 autres, Kolia. Car je suppose que M. Lebedev ne s'est pas volé lui-même. D'abord, le boxeur Keller, honorable prince. C'est un ivrogne qui a des convictions libérales, du moins lorsqu'il s'agit d'un argent qui ne lui appartient pas. C'est donc lui que vous soupçonnez ? Je l'ai soupçonné. Et dès que j'ai constaté la disparition du portefeuille, je me suis précipité sur Keller, qui, ivre mort, dormait du sommeil du juste, et je l'ai fouillé. Pas un copec dans ses poches. Non, ce n'est pas lui. Vous m'ôtez un poids, monsieur Lebedev. J'avoue avoir eu peur. Oh, vous avez un cœur sensible, prince. Trop sensible pour notre monde si dur, si affreusement dépourvu de toute charité. Non, rassurez-vous, ce n'est pas le boxeur Keller. Ce n'est pas non plus le général Ivolgin. Il ne manquerait plus que cela que vous mettiez en cause mon père. Oh, lui, je ne l'ai pas fouillé, honorable prince. Je ne l'ai pas fouillé, vu son ancienne position dans la haute société et son âge respectable. Vous me répugniez avec votre argent. Si j'avais 400 roubles, je vous les lancerais à la figure. Vos paroles ne peuvent pas me blesser, Colia. Et si je tolère votre présence ici, c'est à cause du prince, sachant que le prince... Mais poursuivez, monsieur Lebedev, je vous prie, ne faites pas attention à Colia, il n'est pas méchant. Seulement, il a envie de mordre, n'est-ce pas, honorable prince? Et c'est à moi de lui présenter le flanc. Je vous ai dit que je n'avais pas fouillé le général Ivolgin. Mais il s'est endormi au début de la réception et ne s'est réveillé qu'à midi. Par conséquent, il est hors de cause, comme on dit. Alors, il ne reste plus que M. Ferdistchenko. Quelle pitié. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski. Avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Ginette Taffin, Aglaé, Jean-Jacques Delbault, les Bedef, Jean-Pierre Lorrain, Colia et Gabi Morlaix, la générale Yepanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.